Fais vite, c'est comme ça ma vie et moi pas à pas. Je fais vite, le temps s'en va, le temps de vivre c'est tout moi. À peine le temps de saisir le train qui passe, à peine envie de ne jamais se retourner pour apprendre à mieux marcher droit devant. On arrive à la vie en un instant et pourtant on en met du temps à apprendre, comprendre. Page blanche d'un livre qui nous reste à écrire. Je vais vite, c'est comme ça ma vie et moi pas à pas. Je vais vite, le temps s'en va, le temps de vivre c'est tout moi. Je ne suis pas à traîner, chaque moment aussi intense que cette force qui me guide. Je ne veux pas me perdre, je suis comme ça, juste comme ça. Étape sur le quai d'une gare, la vie est un long voyage et on s'en va, on ne garde que. Toi que j'attends et cherche, tout simplement. Besoin de présence, besoin d'une autre comme moi. Pour regarder ensemble, sourire à la vie qui nous entraîne. Prendre le temps d'aller vite et rester fidèle à moi. C'est comme ça ma vie et moi pas à pas. Je fais vite, le temps s'en va, le temps de vivre c'est tout moi. Je fais vite, c'est comme ça ma vie et moi pas à pas. Je fais vite, le temps s'en va, le temps de vivre c'est tout. C'est comme ça.